Tome 1, partie 2, chapitre 8, Morse, Wita. Adrienne rentra chez elle. Un calme étrange était descendu sur son cœur. Elle ne souffrait plus que d'une sourde oppression qui, par instant, lui arrachait un léger soupir. En entrant dans sa chambre, elle vit une femme qui, prostrée dans un fauteuil, se leva péniblement à sa vue. C'était Valentine. Mais une Valentine qu'elle eut de la peine à reconnaître, tant maigre et creuse étaient ses joues, tant livide paraissait son front, tant brûlé de fièvre étaient ses yeux, d'où jaillissait une phosphorescence de folie. Valentine, brisée, courbée, le spectre de la belle fille robuste et saine que jadis elle avait été. La comtesse ne remarqua point ces signes d'une extraordinaire déchéance physique. Tout disparaissait dans l'ombre opaque de son malheur. La vie des autres demeurait plongée dans la nuit, et elle marchait, vivante, dans son propre deuil anticipé. Elle eut seulement un faible cri de surprise, et elle pensa que Valentine ramenait l'enfant. L'enfant, sa fille, c'est à peine si elle comptait elle-même. Et elle se fit cette réflexion sinistre que la petite serait bientôt orpheline. Étonnée de n'éprouver encore que cette vague pitié qu'on accorde aux indifférents. Ah, fit-elle, avec une tranquillité qui la stupéfia, vous avez reçu ma dépêche. Valentine la regarda sans paraître comprendre. Oui, reprit Adrienne, oubliant qu'il n'y avait guère que 3 heures que le télégramme était parti, la dépêche que je vous ai envoyée ce matin. Vous ramenez l'enfant, n'est-ce pas? Valentine tressaillit. Et ce fut d'une voix basse, brisée de tragiques intonations, qu'elle répondit « Madame, je n'ai pas reçu de dépêche. » « Alors, pourquoi êtes-vous ici? Où est l'enfant ?» Les deux femmes, debout l'une devant l'autre, se considéraient avec un mystérieux effroi. À leur attitude paisible, nul n'eût pu deviner le double drame qui se jouait dans leur conscience, mais elles avaient des gestes raides de pantins cassés. Détraquées, les malheureuses étaient transportées dans une sorte de vie seconde qui bouleversait la réalité autour d'elles. Adrienne reprit machinalement, sans se rendre compte de ce qu'elle disait, sur un ton de morne indifférence. Où l'avez-vous laissée? Vous auriez dû la garder avec vous. Ces gouvernantes sont parfois peu attentives. Valentine eut un nouveau frémissement qui l'agita, comme si elle eût été touchée par une pile voltaïque. Puis son visage reprit une farouche immobilité de marbre, et sourdement, elle proféra ces mots. Geneviève est morte. L'amante de Jean Robin ne fit pas un geste. De nouveau, elle subit ce vertigineux étonnement de voir que rien ne pouvait plus l'émouvoir, comme si déjà elle eût été morte elle-même. Quoi, brusquement? Sans le moindre ménagement, on lui annonçait la mort de sa fille, et elle ne bronchait pas, rien dans son cœur, rien dans ses entrailles maternelles, pas un frisson, pas une larme. Si Valentine n'eût pas été dans un de ces états d'âme qui compriment un être jusqu'à lui enlever la conscience de la vie, elle eût été épouvantée de l'attitude de la comtesse, mais elle la voyait à peine. Elle regardait en soi-même, penchée sans doute sur un abîme d'horreur et de souffrance. Elle répéta, de la même voix blanche et glaciale, « Oui, Geneviève est morte. » La pauvre fille se tordit un instant les mains. Elle parut s'éveiller tout à coup d'un rêve abominable, jeta autour d'elle des yeux hagards, et elle reprit, cette fois sur un mode d'affreuse cantilène, comme si les paroles qui tombaient péniblement de ses lèvres eussent contenu le déchirant sanglot d'un solennel requiem. Geneviève est morte. Le pauvre ange adoré s'est endormi, dans mes bras, pour toujours. Elle est là-bas, dans les fleurs blanches que j'ai entassées autour de son corps. Si vous saviez comme elle a souffert, non, vous ne savez pas. Vous pouvez savoir les angoisses d'une mère qui voit mourir sa fille un peu tous les jours. Chaque heure qui s'écoule est un pas vers la mort. Je voulais espérer, Malheureuse, malheureuse. Hier matin, elle paraissait si vivante, tout à fait bien, je vous assure, avec du rose sur les joues, un sourire dans ses yeux chéris, ses yeux. Vous ne les connaissiez pas, je ne les verrai plus, je n'entendrai plus sa voix si tendre m'appeler doucement, aussi doucement. Maman, maman, elle est morte, en me disant cela, madame. Oh, cela me déchire, cela me brûle. Si seulement je pouvais mourir aussi, ou devenir folle. Oui, qu'est-ce que je disais? Elle paraissait remise, je l'ai prise dans mes bras pour la promener au soleil. Elle avait autour de la tête son petit fichu de soie blanche, et tout à coup elle m'a appelée « Maman, maman ?» Et elle s'est raidie. Alors je l'ai ramenée, je courais. Que s'est-il passé? Elle était morte, morte! Entendez-vous, morte, morte! L'infortunée parlait sans éclat. Elle ne pleurait pas. Elle regardait autour d'elle, peut-être sans voir la comtesse, avec l'inexprimable angoisse des condamnés qui semblent demander grâce à tout l'univers. « Oui, je comprends, » continua-t-elle. « J'aurais peut-être dû vous prévenir, vous écrire. À quoi bon ? Dans les derniers jours, Madame de la Roche-Cléris voulait vous télégraphier, mais je lui ai tout avoué. Elle a voulu me jeter dehors, puis elle a consenti à laisser l'enfant mourir où elle avait vécu. Vous écrire ? Pourquoi faire, puisque vous n'étiez pas sa mère ?» Adrienne avait tout écouté sans comprendre. Elle avait eu d'abord une instinctive admiration mêlée de pitié pour cette nourrice qui s'était à ce point attachée à l'enfant, et le reproche qui, autrefois, avait si souvent tenaillé son cœur, s'était encore dressé dans son esprit. Oh, mauvaise mère que je suis! Cette étrangère se lamente et se désespère. Moi, je ne suis qu'amante, rien qu'amante. Oh, vienne la mort ou plutôt me délivrer et me punir. Les derniers mots de Valentine lui causèrent une immense stupéfaction. Une minute, elle s'affirma que cette fille était folle, et suprême délire de douleur, elle l'envia. Mais non, farouche, terrible dans l'obscurité qui tombait et envahissait la pièce, formidable de tout ce mystère qu'elle apportait, de ce drame inconnu qu'elle faisait palpiter, Valentine renouvelait l'incroyable affirmation. À quoi bon vous prévenir? Vous n'étiez pas sa mère. Adrienne fit un pas rapide, galvanisé, saisit violemment le bras de Valentine. Pas sa mère? Moi? Râla-t-elle. Mais qui? Qui donc alors? Qui? Moi? Moi, madame. Vous? Non, c'est de la folie, revenez à vous. Vous êtes ici chez monsieur Bonner. Celle qui est devant vous, c'est Adrienne, la mère de Geneviève. Non, fit Valentine en secouant la tête, non. La mère de Geneviève, c'est moi. Moi, vous dis-je. Oh, vous pouvez me dénoncer, me faire jeter en prison. Il n'y aura pas d'expiation assez dure pour me faire oublier cette autre expiation que j'ai subie pendant des années, la mort lente de ma fille. Pauvre chérubin, pauvre mignonne, condamnée avant même sa naissance. Oh, les flancs maudits ont pu concevoir et enfanter la triste victime. Vous voulez savoir, n'est-ce pas? Vous saurez tout, soyez sans crainte. L'enfant était à vous? Rugit Adrienne, pantelante. À moi. Écoutez, rappelez-vous. Née en même temps que l'autre, la disparue, votre fille. La comtesse sentit son cœur qui s'arrêtait de battre. Une effroyable contraction du visage traduisit le spasme affreux qui la déchirait. Un sublime phénomène s'accomplissait en elle, le réveil foudroyant de sa maternité. « Ma fille » râla-t-elle. « Ma fille !» et ses mots eurent dans sa bouche l'ineffable douceur que jamais il n'avait eue. Elle palpita d'une joie confuse et d'une douleur sans nom, et, bégayante, elle s'effondra à genoux pendant que Valentine laissait tomber sur sa tête l'aveu suprême. Tandis que vous enfantiez, là-bas, à l'hôtel, moi, j'accouchais sur le trottoir. On me fit entrer, on me soigna, et l'homme apparut, le père de Geneviève. Adrienne n'eut pas la force de parler, mais de ses yeux affolés jaillit une ardente interrogation. « Le père, vous demandez qui, madame ?»« Votre mari, le comte de Charmeuse. »« Roger, mon amant. » Et, anéantie par les souvenirs qui l'écrasaient, elle tomba dans un fauteuil, mordant son mouchoir, appelant les sanglots qui ne voulaient pas se faire jour dans sa gorge. Adrienne, à genoux, se traîna devant elle, lui saisit les deux mains, et dans un souffle balbutia. « Continue, parle, dis-moi tout. » « Oh, malheureuse, vous dire quoi, hélas ? Que Roger était mon amant, que je l'avais idolâtré, que ce fut pour moi une heure atroce lorsque j'appris son mariage, que je me traînais enceinte jusqu'à son hôtel, prête à mettre au monde l'enfant qui n'est plus. Vous dire quoi, madame ? Que, dans la nuit, il m'apporta votre fille, tandis qu'il transportait la mienne dans votre chambre. Par quelle parole me fit-il consentir à la substitution, au crime, je ne sais plus, je consentis, et je devins chez vous nourrice de ma propre fille. Ce que j'ai pleuré, ce que mon cœur a subi de torture, oh, dénoncez-moi, madame, tuez-moi. Car vous aussi, vous allez commencer à souffrir. Car vous aussi, vous allez passer des nuits à tendre vos bras au fantôme de votre fille. La comtesse, d'un bond, se releva. Ma fille, ma fille, qu'en avez-vous fait? Où est-elle? Mais parle donc, misérable, si tu ne veux que je t'enfonce mes 10 doigts dans la gorge jusqu'à ce qu'en sorte ton monstrueux secret. Valentine eut une clameur d'âpre joie. « Oh oui, tuez-moi, tuez-moi » D'un geste fou, elle déchira son corsage, mit sa gorge à nu. Adrienne recula, joignit les mains. « Oh, dis-moi seulement qu'elle vit, que vous ne l'avez pas tuée, que je puis la revoir. Je te pardonnerai tout, je te bénirai, tu seras ma sœur !» Valentine baissa la tête. « Certes, murmura-t-elle, il ne l'a pas tuée, non. Il n'a pas commis cet épouvantable crime. Mais qu'est devenue la pauvrette, lui seul le sait. »« Ah, lui seul le sait !» éclata la mère de Rosémée. « Eh bien, nous allons voir. Nous verrons. » Elle ne trouvait pas autre chose pour se soulager, comprimant sa tête de ses deux mains comme pour l'empêcher d'éclater. Elle allait et venait déchaînée à travers la chambre, martelant le tapis de son pas saccadé, étouffant les cris qui montaient à ses lèvres, lionne admirable de fureur douloureuse. Et si le comte était entré en ce moment, c'en était peut-être fait de lui. Cette effrayante bataille de tous les sentiments qui se choquaient dans sa tête dura 2 heures. 2 mortelles heures pendant lesquelles la nuit était venue, pendant lesquelles Valentine, agonisante, demeura effondrée au fond d'un fauteuil. Adrienne parvint lentement à se ressaisir. Elle revint vers Valentine. « Vous allez rester là, » ordonna-t-elle. « Vous êtes le témoin, je vous garde. » Valentine fit un geste de soumission indifférente, et la comtesse recommença autour de sa chambre sa course délirante. Alors, Adrienne voulut sortir, courir, trouver le comte à l'instant. Un valet, qu'elle interrogea fiévreusement, lui apprit que monsieur le comte avait donné des ordres formels pour qu'on reçût le lendemain matin à 7 heures 3 de ses amis qui viendraient le demander chez son beau-père et sa femme. Le valet devait les faire attendre. Monsieur le comte avait dit positivement qu'il viendrait lui-même vers 7 heures-là. Elle comprit. le comte de Charmeuse avait donné rendez-vous à ses témoins chez Bonnaire. Il n'y avait qu'à attendre. Peut-être rentrerait-il dans le courant de la nuit. Et, d'instant en instant, elle appelait le domestique, demandait si monsieur de Charmeuse était arrivé. Toute la nuit, elle fut sur pied. Où était le misérable? Que faisait-il? Qu'importait après tout? L'essentiel était qu'elle trouva, qu'elle le tint dans sa main, qu'elle lui arracha la vérité, qu'elle sut ce que sa fille était devenue. Et ce fut seulement avec les premiers rayons de soleil inondant sa chambre que sa pensée fut éclairée comme un flamboyant espoir auquel elle n'avait pas encore songé. Jusque-là, elle avait été la mère, elle redevenait l'amant. Le comte, capable d'une substitution d'enfant, le comte criminel, était à sa merci. Dès lors, elle pouvait lui arracher Jean Robin. Et elle eut une rauque clameur de joie puissante lorsqu'elle entendit une voiture s'arrêter devant la porte. Elle se jeta à la fenêtre. C'était un grand carrosse à deux chevaux, le landau banal et classique de toutes les rencontres parisiennes. Trois hommes en descendirent. Les deux témoins, accompagnés du médecin du comte. Quant à lui, il n'était pas là. La comtesse les entendit monter. Elle comprit qu'on les introduisait au salon de Bonnaire, qu'ils s'installaient pour attendre. Sans doute, Roger, à son tour, allait arriver. Elle se rapprocha du salon, s'enferma dans un petit boudoir qui n'était séparé de la pièce de réception que par une tenture jetée en travers d'une baie sans porte. Et elle attendit. Palpitante. Un nouveau roulement de voiture la fit tressaillir. Quelques instants plus tard, le comte entrait au salon. Elle le vit très bien. Il était un peu pâle, plutôt d'une nuit de fatigue passée probablement autour d'une table de jeu ou ailleurs, mais il avait son même sourire, froid et poli. Il tendit la main à ses deux témoins et au docteur. « Je ne suis pas en retard, j'espère, » dit-il. « Pas le moins du monde, » fit l'un des témoins. « C'est nous qui sommes en avance, mon cher comte. » Roger sonna, fit servir du thé. « Eh bien, » demanda-t-il, « les conditions de ce monsieur ?»« Sont les nôtres, cher ami. La rencontre aura lieu dans 2 heures, derrière le Mont-Valérien, nous y serons tranquilles. Les témoins de monsieur Robin sont des gens charmants, ils n'ont pas soulevé une objection, en sorte que nous allons gentiment nous tirer l'un sur l'autre. » C'est convenu, à 30 pas, vous avez 4 balles chacun, à volonté, sans commandement, et vous pouvez marcher l'un sur l'autre. Jusqu'à ce que mort s'en suive, ajouta Roger avec une sinistre gaieté. Mon cher comte, intervint alors le docteur, permettez-moi de tenter un dernier appel. Ces conditions sont déplorables, inusitées. Il est encore temps de les modifier. Il me semble que 3 balles, à 30 pas, au commandement, « Mon cher docteur, interrompit froidement le comte, je rends grâce à vos excellentes intentions. Mais voici nos amis qui vous diront comme moi qu'il est trop tard pour rien changer à l'ordre et à la marche du programme. »« C'est notre avis, dirent les témoins. Hier, nous avons tout fait pour arracher au comte des résolutions moins terribles, mais aujourd'hui... »« N'en parlons plus, s'écria Roger. Et d'ailleurs, il est temps de nous mettre en route si nous voulons être exacts. Messieurs, quand vous voudrez. » Les témoins se levèrent, très graves, émus par la responsabilité qu'ils encouraient dans ce duel qui, selon toute probabilité, allait être mortel. Tous les 4 se dirigèrent vers la porte. À ce moment, une voix solennelle, ferme malgré la profonde émotion qu'elle révélait, s'éleva. « Monsieur le comte, 2 mots, je vous prie, avant votre départ. » Roger bondit, les témoins se retournèrent. Et ils virent la comtesse qui, debout dans l'encadrement des tentures, frémissante, se montrait, blanche apparition. Ils s'inclinèrent dans un salut de respect et de pitié. Il eut un instant de silence effroyable. « Messieurs, murmura le comte, je suis à vous à la minute, je vous rejoins dans le landau. » Ils eurent une deuxième salutation, plus grave, plus apitoyée aussi. Persuadée que la malheureuse femme allait se jeter au cou de son mari pour l'empêcher de se battre, et ils sortirent. Alors le comte marcha droit sur sa femme, les sourcils froncés, la bouche crispée. Qu'avez-vous à me dire? Faites vite. Presque rien, articula lentement Adrienne, avec un sourire terrible. Simplement ceci. Votre fille est morte. Un nuage noir passa devant les yeux du comte. Morte? Il abattit lentement ses deux mains au dossier d'un fauteuil pour ne pas tomber, et d'une voix que l'on distinguait à peine, venue comme de très loin, des profondeurs de son épouvante, il bégaya. « Ma fille ?»« Je n'ai pas de fille, madame. »« Vous devenez fou. Je précise. Votre fille, Geneviève, Clément, est morte. » Le misérable eut un hoquet d'affolement. Que Geneviève fût morte, il s'en souciait peu, et qui sait? Mais que la comtesse connût sa paternité et la lui jeta à la face en un tel moment, c'était un de ces coups de foudre qui terrassent les plus forts et abattent dans la poussière les fronts les plus orgueilleux. Cependant, Roger tenta un suprême effort de résistance. « Madame, mes minutes sont comptées, nous reprendrons cet entretien dans la journée, si je reviens, vivant. » « Vous reviendrez vivant, comte, parce que vous ne vous battrez même pas. » Il sursauta, cinglé cette fois par une furieuse colère. « Vous dites, je ne me battrai pas? Ah, vous avez peur, n'est-ce pas? Peur pour lui, et lui aussi a peur, vous tremblez tous les deux. Eh bien, mademoiselle Bonheur, vous avez raison d'avoir peur, car je vais vous le tuer, vous entendez? Et rien ne pourra lui sauver la vie du moment où je le tiendrai au bout de mon pistolet, moi, tireur. » Frémissante, soulevée par l'indicible haine que maintenant elle éprouvait pour cet homme, elle fit deux pas vers lui. « Vous croyez m'insulter en me donnant mon nom de jeune fille. Vous brisez le dernier lien qui pouvait m'unir à vous et vous faites en moi le mépris plus fort que la pitié. » « Vous dites que rien ne saurait vous empêcher de le tuer, rien, monsieur ?»« Ah, malheureux, misérable, pas même la justice qui peut, à l'instant, se saisir de votre personne ?»« Que voulez-vous dire ? » râla-t-il. « Monsieur le comte de Charmeuse, pouvez-vous me dire dans quel bagne on envoie les criminels coupables de cette suprême infamie, une substitution d'enfant ?» Il ne répondit pas. Cramponné au fauteuil, blême comme un cadavre, il râlait, fixé sur Adrienne des yeux exorbités, sanglants. Tout à coup, il se secoua, la folie du crime traversa son cerveau en sinistres éclairs. Empoigner cette femme, la serrer à la gorge, l'étouffer et tuer avec elle le redoutable secret. Adrienne était à une de ces minutes où les sens exaspérés acquièrent une prodigieuse et anormale finesse de compréhension. Elle vit clairement ce qui se passait dans l'esprit du comte, et d'un bond, elle se jeta à la fenêtre qu'elle ouvrit toute grande. « Monsieur, dit-elle avec un calme effrayant, si vous faites un pas vers moi, j'appelle vos amis qui sont en bas, et je vous fais arrêter par vos témoins. Ce sera une affaire d'honneur, digne de vous. » Il protesta d'un geste qu'il ne bougerait pas. « D'ailleurs, ajouta-t-elle, vous arriveriez à me supprimer, il resterait quelqu'un pour vous accuser encore. C'est Valentine, votre maîtresse, monsieur. » Ce dernier coup l'assomma comme le fait indéniable. Il s'abattit sur les genoux et balbutia. « Grâce, ne me dénoncez pas. » Alors, elle se rapprocha. Et le duel de paroles se poursuivit en mots brefs, hâtifs, à peine prononcés, sans gestes, sans éclat. Ce fut terrible. L'homme, à genoux, livide, reprit « Grâce, ne me perdez pas !» Et debout, penché comme un remords vivant qui l'eût écrasé, la femme répondit « Hélas, oui, je vous fais grâce. » Vos conditions ? Oh, d'abord, des excuses à Monsieur Robin, sur le terrain. Il se couvrit la figure de ses deux mains et sanglota. Pitié, pas ça, non, pas ça. Ça, monsieur, ça, ou le bagne ? Il frissonna, un râle lui échappa. Vous me jurez de ne jamais me dénoncer si j'exécute vos ordres ? Je vous le jure. Allez, on vous attend. Quand vous reviendrez, vous me direz, il le faut, ce que vous avez fait de ma fille. Le comte se releva. Il eut un geste de désespoir immense. Adrienne le vit partir, titubant, ivre de terreur, les dents claquantes. Elle sentait que d'un mot de plus, elle l'eût tué, et elle-même était à bout de force. Elle demeura de longues minutes, palpitante. Le roulement du landau qui s'éloignait la rappela à elle. Elle sonna. « Le coupé, vite » ordonna-t-elle au valet. 5 minutes plus tard, la comtesse roulait dans la direction du Mont Valérien, vers le terrain de combat.